pas de congélateur, bien sûr, ouais. Et pas beaucoup de viande, quoi. Ouais. Alors ils allaient creuser les marmottes quand elles étaient endormies. Et ils les mettaient à la cave, dans un endroit frais, dans une caisse. Et puis quand on voulait manger une marmotte, on la montait près du poêle. Pour se réveiller. Tout doucement, elle se réveillait et après, il fallait. Parce que sinon, quand elle s'est endormie, on ne pouvait pas la tuer. Elle ne saignait pas. Il fallait connaître les bons trous, parce que des trous, vous en avez des milliers dans la montagne. Et oui. Mais il y a des trous qui s'appellent ce qu'on appelle les ciblaires. Un ciblaire, c'est pour siffler. Elle se met là-dessus, elle siffle, quand il y a quelque chose, boum, elle rentre dans le trou. Elle se cache. Mais ces trous-là ne leur servent que pour se cacher. Tandis qu'à l'automne, c'est pas pareil, elles font un nid dans le trou. Il y a un nid et de l'autre côté, le WC. C'est-à-dire qu'elles se réveillent une fois toutes les lunes, je crois. Elles vont faire leurs besoins, puis elles reviennent se coucher dans la paille à quelques heures à mener à l'automne. Et là, c'est assez complexe parce qu'il y a des galeries qui sont difficiles à suivre des fois. Parce que des fois, c'est pas comme ça. C'est souvent dans les roches aussi. Alors, il faut. Bon. C'est un travail passionnant. Alors, vous récupériez les marmottes. Oui. Et vous les gardiez à la cave. À la cave. Au frais, deux fois. Elles ne se réveillaient pas de l'hiver. Hein. Il fallait qu'elles soient au frais, mais elles se réveillaient. Alors, comme ce n'est pas du sommeil, c'est de l'hibernation, ce n'est pas du sommeil. Hein. Le sang ne coule pas. Le sang, il est épais, ça ne coule pas. Il fallait les faire réchauffer. Réchauffer la bête pour que le sang puisse être. On les attachait par une patte et. Parce que lorsqu'elles se réveillaient, elles essayaient de partir. Sauvage, hein. Et, ouais. Et puis ça mord. Puis c'est puis ça mord. Ça mord, hein. Puis ça dédain. Puis c'est gros, c'est costaud quand même, une marmotte. Ouais. D'accord, vous mangez de la marmotte. Un civet de marmotte, c'est fait. Et en plus, à ce moment-là, les peaux se vendaient pas mal. On récupérait la graisse pour faire de l'huile. On se servait même de l'huile, peut-être pas tout le temps, mais. Quand on manquait d'huile pour faire. Pendant la guerre, on a eu fait des frites avec l'huile. Faire des frites. L'huile de marmotte. C'était pas bon. Hein. Parce qu'il fallait le manger bouillant. Sinon... Bien chaud, ça va, mais après, c'est pessi, quoi. On disait que c'était bon pour les rhumatismes, c'est l'huile de marmotte. Pareil. Je sais pas si c'est vrai.